Le 24 septembre, le porte-parole du Comité pour la réunification pacifique de la patrie a répondu aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour dénoncer le secrétaire général de l'ONU qui se tient à la tête de la démarche pour la sanction contre la République populaire démocratique de Corée de connivence avec les conservateurs pro-américains de Corée du Sud. Il a dit « À chaque occasion, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, met en cause notre essai légitime de l'explosion de l'ogive nucléaire et joue de son gré le rôle de valet docile dans la campagne des États-Unis et de leurs suivistes, y compris la bande de Bakounet, pour la sanction et la suppression de notre République. Juste après notre essai, il a abusé de son pouvoir pour tenir à lui seul une conférence de presse de façon exceptionnelle. Il a prétendu que c'est une violation grossière de la résolution de l'ONU et qu'il condamne avec véhémence. Et dans d'autres places publiques, il a péroré sans hésiter et de façon malhonnête que le Nord constitue la menace à la sécurité dans le monde et que le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre une mesure urgente pour prévenir une autre provocation du Nord. Bakounet a aggravé à l'extrême la situation dans la place coréenne et dans la région en prouvant à la servilité envers les États-Unis et à la confrontation avec les compatriotes, mais il a stupéfié le monde entier en disant horriblement qu'elle réagit comme il faut contre le nucléaire du Nord. Il est largement connu qu'il est dompté par les États-Unis il y a déjà longtemps, qu'il est nommé secrétaire général soutenu par les États-Unis et qu'il est l'agent secret manipulé parfaitement par les États-Unis. Pendant une dizaine d'années depuis qu'il occupe l'actuel poste, l'ONU est devenue l'institution internationale la plus incompétente et la plus corrompue, où règne le diktat et l'arbitraire des États-Unis et de leurs suivistes, et l'invasion des pays petits et faibles et l'injustice sont légitimées. Ce n'est pas par hasard. Il est surtout un fanat de confrontation qui suit absolument la politique d'hostilité des États-Unis et de leurs suivistes à l'égard de la République populaire démocratique de Corée et qui a fait de l'ONU arène politique qui s'oppose à notre République digne membre. Peu importe par qui il est soutenu et comment il occupe le premier poste de l'ONU. Pourtant, s'il est coréen et s'il a une ombre de conscience nationale, il doit faire des efforts pour l'amélioration des rapports Nord-Sud et la réunification de la patrie tant désirée par tous les Coréens. S'il est à la tête pour inciter davantage la société internationale à la campagne contre notre République, on peut bien connaître son but. Il doit quitter son poste à la fin de cette année. Il laisse entendre que de retour en Corée du Sud, il va participer à l'élection présidentielle de l'année prochaine et il a déjà révélé son ambition politique. Actuellement, tous les milieux sud-coréens accusent Ban Ki-moon comme un escroc qui a joué le rôle d'espion pour connaître la tendance de Kim Dae-jung lors du pouvoir dictatorial de Tun Duan, lâche traître ignorant même la confiance élémentaire et conservateur purement pro-américain et pro-japonais, soutenant de fond en comble même l'accord de problème d'esclavage sexuel au service de l'armée nippone et la mesure de disposition de SAD de la bande de Bakounet. S'ils se conforment à la bande conservatrice pro-américaine de Bakounet et se joignent toujours à la sanction contre notre pays en poursuivant seulement les comptes politiques, il doit payer cher sa conduite.